إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، donc nous commençons le cours numéro 14 dans les cours du Tawahid sur le livre qui s'appelle الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. Les obligations qui incombent à chaque musulmane et à chaque musulman et musulmane de connaître. Et nous sommes maintenant à l'épître qui s'appelle Nawaqidul Islam, les annulations de l'islam. Ce petit livre qui est, comme pour tous les petits livres que nous lisons dans ce recueil de livres, dans ce recueil d'épître du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Donc nous commençons, inshallah, ce livre qui s'appelle Nawaqidul Islam, les annulations de l'islam. Nawaqid, c'est le pluriel de naqid, du verbe naqad, naqad, ce qui annule l'islam, c'est-à-dire qu'une personne qui est musulmane, donc qui atteste qu'il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah et que Mohammed est son messager, d'accord, donc qui est une personne qui est musulmane, peut devenir mécréante, cette personne peut devenir mécréante, on l'appellera murtad apostat. Donc il sera un kafir, un mécréant, il finira en enfer éternellement s'il meurt sur cette mécréance, même s'il pense que cette personne est toujours musulmane, d'accord. Alors ici, le sujet n'est pas traité pour la personne qui sort de l'islam et qui déclare comme quoi il n'est plus musulman. Comme par exemple un musulman qui va dire « Maintenant, moi je ne suis plus musulman, j'arrête l'islam et je suis par exemple chrétien ou bouddhiste ou athée, je ne suis plus musulman. » Donc cette personne a fait une annulation de l'islam, mais là ce ne sont pas les annulations de l'islam qui nous intéressent, ce sont les annulations de l'islam d'où la personne pense et proclame qu'il est toujours musulman. Mais en fin de compte, c'est faux, il n'est plus musulman, il est murtad, d'accord. Car celui qui déclare de lui-même qu'il n'est plus musulman, c'est donc il est sorti de l'islam, et il n'y a aucun problème à faire un takfir sur lui, à faire un takfir, donc à le déclarer mécréant sur lui. Le problème, c'est quand la personne se prétend toujours musulmane. Donc faire un takfir sur une personne qui se déclare toujours musulmane, donc qui fait toujours la shahada, d'accord, il y a une petite difficulté quand même, et donc, et parfois dans certains koufs, dans certains mécréances, et dans certaines riddas, dans cette apostasie, c'est assez difficile pour faire le takfir, on va voir ça, inshallah. Donc notre problème à nous, c'est la personne qui se dit toujours musulmane, mais en fin de compte, on va prouver comme quoi il n'est pas, cette personne n'est plus musulmane. Voilà. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit ceci: I'lam anna nawaqid al-islam 'ashara. Sache que les annulations de l'islam sont 10. 10 choses. Alors beaucoup de savants ont parlé sur ça. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit 10. Donc est-ce qu'il n'y a que 10? Alors certains, beaucoup de savants ont parlé, comme je vous dis, sur ceci: est-ce qu'il n'y a que 10? Ou en fin de compte, est-ce qu'il a cité les 10 les plus connus, les plus répandus, ou certains disent que ce sont les 10 les plus répandus et les plus aussi apparentes, et certains disent non, ce sont les 10 et tous les autres koufs, eh ben, viennent de ces 10-là. Que nous disons ceci ou cela, cela ne nous apporte pas grand-chose, car on va aller étudier, inshallah, et sachez qu'il y a d'autres koufs qui ne sont pas cités parmi ces 10. Soit c'est autre que ces 10, ou soit, en fin de compte, ça rentre dans une ramification d'un de ces 10 que l'on va citer. Et avant toute chose, je vais vous rappeler, comme je vous avais rappelé au premier cours, le fait de faire attention quand on fait un takfir, quand on demande, donc quand on déclare une personne mécréante. À savoir que quand à faire un takfir, c'est déclarer une personne humaine mécréante. C'est-à-dire que si jamais je dis le pape, je ne me rappelle plus du nom du pape de maintenant, enfin le pape avec au Vatican, hein, n'importe son nom, je ne me rappelle plus. Je me rappelle seulement que de Jean-Paul II, après je me rappelle plus, c'était Benoît et quelques, et puis maintenant c'est je sais plus, ils ont changé assez rapidement en ce moment. Les tawarites de l'Église catholique ont changé assez rapidement. Donc le pape, c'est un kafir, c'est un mécréant, il n'y a pas de doute sur ça, hein, du kufr akbar, du kufr akbar. Donc je viens de faire un takfir. Alors ceux qui ne comprennent pas ça, il faut qu'ils comprennent, je viens de faire un takfir. Donc je viens de déclarer mécréant le pape qui est en ce moment à l'église, dans l'église catholique chrétienne, qui se trouve notamment au Vatican. C'est un exemple, hein, je peux citer aussi les rabbins, et qui sait, sont tous des koufars, hein, comme aussi tous les moines bouddhistes ou je ne sais quoi encore. D'accord? Mais c'est un exemple. Certains pensent que le mot takfir, c'est seulement déclarer mécréant un musulman. Non, c'est faux. Le mot takfir, c'est le masdar du verbe kafaru kafiru, c'est le fait de dire qu'une personne est kafir. D'accord? Généralement, dans les livres de fiqh, etc., quand on dit le mot takfir, on veut avant tout, justement, faire sortir une personne qui se déclare musulmane, d'accord, de l'islam. Parce que c'est là qu'il y a un problème. Comme je dis juste avant, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, le danger est là, c'est une personne qui se dit musulmane, qui se dit toujours musulmane, et déclarée comme quoi, en fin de compte, il est mécréant, cette personne est mécréante. Il faut faire très attention. On va lire un hadith, inshallah. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, a dit ceci. La yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufr. Il l'artadat alay, in lam yakun sahibuhu kazalik. Rawahu al-Bukhari. Donc voilà le hadith. Il n'y a pas un homme qui lance sur un autre homme le fousouk. Donc le fousouk, c'est-à-dire le fait qu'il fasse un grand péché. Donc on va dire que cette personne-là va être un fasir, quoi. Voilà yami bil kouf, et il ne lance pas sur lui non plus le kouf, c'est-à-dire qu'il va dire qu'en fin de compte, cette personne est kafir. Il l'artadat alay, sans que cette accusation. Et le tad d'Atali retourne sur lui. Ah, donc celui qui dit ça à une autre personne, à un musulman, c'est un fou, c'était un fasir ou c'était un kafir, et ça retourne sur lui. Mais attention, le prophète, après, a dit, il lam yakun sahibuhu kazalik, si son compagnon n'est pas comme ceci, c'est-à-dire que si la personne à qui il a dit que c'était un kafir ou un fasir, il n'est pas comme cela, alors son accusation retourne contre lui. Voilà, riyaz, nous demandons à Allah de nous préserver de ceci, de tomber dans l'erreur, de faire un takfir ou de faire un tafsir. Sans droit. Et le tabdir, donc de déclarer une personne qui est mubtadir, déclarer une personne comme quoi il est mubtadir, comme quoi il est innovateur, rentre dans le tafsir. Oh. Donc il faut faire attention, il ne faut pas faire comme les al-madakhila de notre époque, là, ces espèces de soufis qui se donnent une apparence de salafis mais qui ne le sont pas, comme vous le savez, qui font du tabdir, mais vraiment. Sur tout le monde et sur n'importe qui et n'importe comment. Et ben, il faut qu'ils sachent que ceci va retourner contre eux. Et oui, parce que le tabdir, de faire une personne qui c'est un mubtadir, et ben, c'est faire du tafsir, c'est-à-dire qu'une personne est facile. Parce que un des plus grands foussards, c'est justement le mubtadir. Et oui, un des plus grands péchés qui existent, c'est le fait de faire une bid'a. Donc, faire attention, on n'est pas une personne comme ça. Lui, c'est un mubtadi, c'est un mubtadi. Il faut faire attention, il y a des conditions, comme pour le takfir. Il y a des conditions. Et pour le tafsir, pour décrire une personne qui est fasir, quoi. Un petit mot sur le mot fasir. Généralement, dans les traductions françaises, il est traduit le mot fasir par le mot pervers. Alors, personnellement, moi, je n'utilise pas et je suis contre cette traduction. Bon, je ne suis pas en guerre contre ceux qui font cette traduction, mais je n'aime pas cette traduction parce que le mot pervers. En français, c'est lié au sexe pervers sexuel. Alors qu'un le fasir, ça c'est celui qui fait un kabir al-min al-kabir, celui qui fait un grand péché parmi les grands péchés. Est-ce qu'en français on dit que par exemple une personne qui vole, qui a volé, c'est un pervers? On ne va pas dire ça, c'est pas un pervers. Par contre, il a fait un grand péché. Il a fait donc en arabe, on appelle ça un fasir, celui qui fait qui ment. On va pas dire que est-ce qu'on dit que c'est un pervers, celui qui fait bon. N'importe quel péché, grand péché parmi les grands péchés. Donc, et le mot fasaqa, linguistiquement, veut dire sortir des limites. Fasaqa an tariqa. Donc la personne est sortie de la route, de la voie. Fasaqa, elle est sortie. D'accord? En fin de compte, il a transgressé les lois. Donc moi, je préfère traduire par transgresseur. D'accord? Mais si on pouvait garder le mot fasir, comme on garde en français pour par exemple le mot kafir, ça bien. Fasir, quoi, elle veut dire celui qui fait un grand péché parmi les grands péchés. Ceci, bon, c'était une petite parenthèse. Donc là, je viens juste de lire. Il est rapporté par Al-Bukhari et c'est dans son Sahih le numéro 6045. Et j'en profite aussi pour, Inch'Allah, redire la parole que l'on avait vue au début je crois que c'était au premier cours, au deuxième cours, hein. La parole de cet imam qui était parmi les savants du mazhab al-Malikiste, donc c'était un Maliki, c'est Al-Qadi Iyad qui est décédé en 544, rahimahullah, en 544 de l'Hégire. Donc ça va faire un peu moins de 1000 ans, mais ça va en faire 900 ans. Dans son livre Al-Shifa, au tome numéro 2, à la page 277. Et il a dit, en parlant des al-ulama al-muhaqqiqin, les savants qui vérifient, les savants qui étaient pointus sur les choses, qui vérifiaient tout, d'accord? Il a dit ceci. Excusez-moi. Inastibahata dima al-musallin al-muwahhidin khatar. Certes, rendre mubah, donc rendre autorisé le sang des prieurs, de ceux qui prient, al-muwahhidin, donc les monothéistes, c'est-à-dire les musulmans, khatar est un danger. Pourquoi? Parce que, comme on a vu le hadith du prophète, si jamais on dit à une personne que c'est un kafir, et que ça n'y est pas, ça revient sur la personne. D'une chose, et de deux, il ne faut pas oublier aussi que quand on dit qu'une personne est kafir, murtad est apostat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son sang, eh ben, il devient halal. C'est-à-dire qu'il est autorisé de le tuer. Et son argent aussi, son argent est halal. D'accord? Donc, son sang peut être versé. La personne qui déclare comme qu'elle est mécréant, eh ben, il peut verser son sang, c'est-à-dire qu'il peut le tuer. Et pour lui, en fin de compte, il n'a pas de péché parce qu'il a tué un kafir, un murtad, un apostat. Donc, c'est dangereux. Il faut faire attention aussi sur ce point-là de déclarer takfir, le takfir sur une personne qui est musulmane sans droit. Ensuite, Al-Qadir Iyad, en citant la parole des savants vérificateurs, et se tromper dans laisser 1000 mécréants. Est plus léger, d'accord, et plus faible, et plus gelé, plus faible que de se tromper dans le fait de faire couler la mesure d'un gobelet de sang qu'on se sert pour la hijama, d'accord, pour les ventouses, d'un seul musulman. Pour ceux qui ne comprennent pas ça veut dire que quand il vaut mieux, par exemple, il y a 1000 personnes qui se disent musulmans, mais en fin de compte, c'est des mécréants, ils cachent leur mécréance, mais on n'est pas sûr. Alors, on va se tromper, on va dire non, ces 1000-là, ils sont musulmans. En fin de compte, on s'est trompé, et c'était des mécréants, ils cachaient leur mécréance, mais on n'était pas sûr. Eh bien, c'est mieux, c'est plus faible, c'est mieux de se tromper sur 1000 personnes comme ça, donc donner l'islam à 1000 personnes, en fin de compte, qui méritaient à ce qu'on les fasse sortir de l'islam, que faire quoi? Que de se tromper dans le takfir à un musulman, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe pas? Eh bien, il peut se faire tuer, d'accord? Et de dire que sur un seul musulman, de dire, en fin de compte, c'est un kafir, on s'est trompé, en fin de compte, c'était vraiment un musulman, on s'est trompé, d'accord? Il vaut mieux se tromper sur le fait de déclarer des personnes musulmanes et qu'en fin de compte ce sont des murtadoun, enfin c'est des apostats, que le contraire. Et on remarque cela aussi par rapport au hadith. Le prophète, il a dans plus d'un hadith, je n'ai cité qu'un seul, mais il y a plus d'un hadith où le prophète nous fait peur, entre guillemets, de faire un takfir sans droit, d'accord? Et non pas l'inverse. Il n'y a pas de hadith où le prophète a dit ceci pour l'inverse. Comme quoi, est-ce que celui qui donne l'islam à une personne qui mérite d'être démontable, alors lui, son accusation revient sur lui. Ou son erreur d'accusation revient sur lui. Il n'y a pas de ça. D'accord? Donc, il faut faire très attention. Il y a une règle aussi qui s'applique ici, qui est une règle de Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, des règles du fiqh, qui est Al-Yaqinu la yazulu bi-shakk. Al-Yaqin. La yazoul bishak, la certitude ne s'enlève pas par le doute. Ce qui veut dire que quand une personne se déclare musulmane, on n'a pas le droit de lui enlever l'islam sans qu'il y ait un yakin, une certitude comme quoi il est mécréant. C'est pas par un doute. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui se déclare musulmane et que moi je doute de son islam parce qu'il a dit une parole, ah, il a dit une parole, je doute. Qu'est-ce que je fais? Étant donné qu'une personne où il a dit, une personne a dit une ambiguïté, comme quoi, ça se trouve, il peut être mécréant. Quel va être mon rapport avec lui? Mon rapport avec lui, c'est que je vais appliquer cette règle, que j'applique dans toute règle de fiqh. Je prends l'incertitude et j'enlève le doute. L'incertitude, c'est quoi? C'est qu'il déclare qu'il est musulman. Ça, c'est l'incertitude. Quoi que moi, je veuille, quoi que je suive mes passions. Et le doute, c'est que moi, je doute comme quoi il est mécréant. Donc, j'enlève le doute. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'incertitude. Et donc, je lui laisse l'islam, il est musulman. Jusqu'à ce qu'il y ait une certitude claire, donc, et par un dalil clair, par une preuve claire, comme quoi, en fin de compte, il est bien sorti de l'islam. Ça, il faut bien se le mettre comme base quand on rentre dans le takfir, car c'est ça la base, d'accord? Et faire le takfir, c'est un hukm shari, comme on avait vu, notamment comme l'a dit Cheikh As-Soubki, rahimahullah, at-takfiru hukmun shari. Le takfir, donc déclarer une personne mécréante, c'est un hukm shari, c'est une sentence qui est légiférée, d'accord? Donc c'est un problème de fiqh. Ça rentre dans l'aqida, mais c'est un problème de fiqh. C'est pour ça que dans tout livre de fiqh, vous trouvez le chapitre Kitab-ur-Ridda, le chapitre de l'apostasie. Donc, rentre dans ce chapitre-là aussi les règles de fiqh, al-qawaid al-fiqhiyya. C'est pareil. Donc, quand on voit une personne qui se déclare musulmane, la base, c'est que cette personne est musulmane. Si on a un doute, elle reste musulmane. C'est à nous de jeter le doute de notre tête. Et ensuite, si jamais il y a vraiment une certitude, un yakin, comme quoi il est sorti de l'islam, donc là on fait un takfir sur la personne. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, donc là je lis dans mes annotations, savoir que c'est des annotations ici de ce livre-là, Al-Wajibat il est sur 7 pages. C'est un résumé que j'ai fait, ce que j'ai fait en fin de compte, une explication de ce livre en environ 50 pages. Et là, je l'ai résumé, c'est-à-dire que j'ai pris les paroles les plus, comment dirais-je, les plus concises, d'accord, pour pas faire long, parce que sinon, ça ferait trop long. Donc là, je lis dans mon annotation du résumé que normalement, vous devez avoir, sinon vous pouvez avoir en allant sur le forum Ansarul Haqq. Donc, قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولكن من أظهر الإسلام وظنن أنه أتى بناقد لا نكفره بالظن لأن اليقين لا يرفعه الظن. Voilà. Donc, on va traduire ça, Inch'Allah. Donc, cette parole-là est dans le livre Ad-Durar As-Saniyya, Ad-Durar As-Saniyya, et non pas As-Sunniyya, hein, As-Saniyya. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, dit ceci. Voilà qui, mais, man adhara l'islam, celui qui a fait apparaître l'islam, d'accord, donc qui se déclare musulman, une personne qui se déclare musulmane. Ou adhanana, et que nous pensons, adhanana, minadhan, ceux qui comprennent l'arabe, minadhan, et nous pensons, donc avant, nous pensons, annahu atabina qedin. Nous pensons qu'il est venu avec une annulation de l'islam. Alors qu'est-ce qu'on fait? Regardez bien ce qu'il dit. La nukaffirhu bidhann. On ne le fait pas le takfir sur lui par la suspicion, par ce que l'on pense. Bidhann, hein, on pense, d'accord? Pourquoi? Ben, il va venir avec la règle que je viens de juste donner, mais avec une autre formule. Li anna li yaqin, parce que la certitude, et c'est quoi la certitude? C'est qu'il se déclare le musulman. Lui, il se déclare musulman. Donc ça, c'est la certitude. Et il est où le doute? Il est où là? On pense, ça vient de nous. D'accord? On vient pas, nous, on n'est pas venu avec une certitude. L'an al-yakin la yarfa'u dhann. Parce que la certitude ne s'enlève pas par le dhann, par la suspicion, par le doute. Dans le sens douche pas chèque, dhann, ici, c'est dans le sens le fait de penser. Mais en fin de compte, on n'est pas vraiment sûr. Il y a un pourcentage de comme quoi, ça se trouve, il n'est pas mécréant. D'accord? Non, il faut être sûr, comme on dit, à 100%. Pas à 200%, non, ni à 150, mais à 100% suffit et il faut déjà les avoir. Voilà. Donc, même le cheikh Mohammed vient avec cette règle. D'accord? Quelqu'un qui vient avec nous, qui se déclare musulman, On n'a pas à faire le takfir sur lui parce qu'on pense que sa parole peut amener à ceci et que cela, ce n'est pas ça. Avec ça, on fait du takfir, non, mais on remballe nos « s'il se peut que ceci » et on laisse l'islam et on déclare oui que cette personne est musulmane. Jusqu'à ce que vient une certitude, et cette certitude, comme je l'ai dit, doit venir avec un dalil, avec une preuve, du Coran ou de la Sunna. Ensuite, قال ابن الوزير رحمه الله qui est décédé en 822 de l'Hégire. Vous remarquerez, Inch'Allah, que je viens avec beaucoup de paroles de savants qui ne sont pas de cette époque. Ou alors qui vêtent de cette époque, mais qui sont morts depuis quelque temps, et qu'en fin de compte, bah, pas grand monde peut remettre en question leurs paroles. Je ne viens pas avec une parole de Kol Cheikh Abu Mohamed al-Maqdisi, par exemple, ou autre. Non, non, je viens avec des paroles que même, par exemple, les murji'a de cette époque, tels que les Madakhila ou autres, ne peuvent pas remettre en question, ne peuvent pas dire non, les savants que tu cites, ce sont des Mubtadi'a ou quoi, sinon ils se font jeter, mais d'une grande force. D'accord ? Notez bien ceci. D'accord ? Les savants que je cite, ce n'est pas des savants de notre époque qui sont maintenant encore vivants, c'est ceux qui sont morts, décédés, et depuis assez longtemps, et qui sont reconnus notamment par ceux qui se prétendent salafis, ceux qui se prétendent de la darwa du cher Mohammed Omar ibn Wahhab, rahimahullah, mais qu'ils en sont loin, qu'ils s'en écartent de plus en plus. Voilà, yazoubillah. Donc le cher Ibn al-Wazir, rahimahullah, qui est décédé en 822 de l'Hégire, d'accord, donc ça fait quand même plusieurs siècles, a dit ceci. Et c'était pas un khariji ou quoi que ce soit, ou un takfiri ou je ne sais quoi encore. Inna takfir sam'iyun mahd. Certes, le takfir, donc là il parle de takfir, il va dire quoi? C'est une fitna, c'est quoi comme dit les madakhila à toujours dire ça? Eh ben non. Le takfir, il dit, certes, le takfir est sam'iyun mahd, est une chose qui doit être, qui vient de l'écoute, qui est écoute mahd pure. Il veut dire quoi sam'i? Ça, c'est un terme technique qu'il faut savoir quand on fait notamment, on étudie le fiqh et le sous le fiqh, sam'i. Ça veut dire que ça vient de ce qu'on a entendu, c'est-à-dire que de la parole d'Allah et du prophète. C'est le contraire de akli, de la logique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un takfir par notre logique. Vous entendez bien, s'il y a des madakhila qui m'entendent ici, je leur parle à eux. Vous m'entendez bien, ce n'est pas par votre logique à vous. C'est Allah Azzawajal qui décrète qui doit être mécréant, qui doit être murtad ou pas, ainsi que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas votre logique à vous qui est totalement biaisée. Qu'on se le dise. Les murji'a que vous êtes. Donc, Ibn Wazir, rahimahullah, dit bien, in at takfir, il ne dit pas que le takfir c'est une fitna, etc. Mais au contraire, in at takfir, sam'iyun mahd, c'est une chose donc qui est écoutée, mais là, quand je dis dans le sens écouter, ça veut dire qu'il vient du Coran, de la sunna, d'accord ? Et non pas du haql, et non pas de la raison. Mahd pur. Ensuite, il insiste et il dit, la madkhala lil aql fihi, il n'y a pas de rentrée pour l'alak, pour la raison, dedans. C'est-à-dire que votre raison, vous les jetez. D'accord ? On suit le Coran et on suit la sunna, même dans le takfir, que ça vous plaise ou non. D'accord ? La madkhala lil aql fi, la madkhala lil aql fi, il n'y a pas d'entrée pour la raison, dedans. D'accord ? Donc si Allah Azza wa Jalla et son prophète ont décrété que celui qui ne fait pas la prière, qui a délaissé la prière, qui n'en fait aucune, c'est un kafir, et bien vos règles, à vous des murji'a que vous mettez, on n'en a rien à faire. Nous, on suit Al-Qur'an et la Sunna. Comprenez-le bien, et ainsi que pour tout autre kufr qui est clair et net dans le Qur'an et dans la Sunna. Ensuite, Ibn al-Wazir, rahimullah, continue et dit ceci. Et certes, la preuve à l'al-kufr sur la mécréance, donc après, la preuve pour déclarer une chose est une mécréance, la yakun illa sam'iyan qat'iyya. Et là, il dit bien, ne vient que, l'argument ne doit être que sam'iyya, donc sam'iyya c'est le contraire de akliya, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit par la logique, sam'iyya, mais ça, donc ça doit venir par l'écoute, c'est-à-dire par le Qur'an et la sunna. D'accord ? Qat'iyya. Et qat'iyya, c'est-à-dire net, ça veut dire que c'est pas par rapport avec un hadith d'arif, il faut que le hadith soit sahih. D'accord ? Il faut qu'elle soit nette. La preuve doit être nette. Il ne doit pas avoir d'ambiguïté dedans. Voilà, et en plus, et à la fin, il dit voilà, nizar afizalik. Et il n'y a pas de divergence dans ceci. Oh, les murji'a, Il n'y a pas de divergence dans ceci. C'est vous qui venez avec des bid'a à notre époque. Vous venez dans les bid'a, donc takfir. C'est dans son livre qui s'appelle Al-Awasim, au volume 4, à la page 178. Maintenant, nous allons. Excusez-moi. Dire. Ce que beaucoup disent aussi, mais après ne donnent pas l'explication. Combien de personnes disent pour faire le takfir, faire attention, il y a des shurut, il y a des conditions, il y a des mawanir et il y a des interdictions. D'accord? Il y a des interdictions, c'est-à-dire des choses qui rendent impossible de takfir, et il faut des shurut. Et vous lisez un livre, et il va dire ça. Et vous êtes dans un trou de bain, il va vous dire ça. Vous êtes dans une conférence, il va vous dire ça, etc. Mais peu vont vous enseigner c'est quoi ces conditions et c'est quoi ces mawanir, ces empêchements. D'accord? Le meilleur traduction de chat, ça sera empêchement. Quels sont ces empêchements? Est-ce que c'est si compliqué que ça? Et il faut quand même les étudier. Eh bien, Inch'Allah, ici, on va les étudier. C'est quoi ces conditions pour faire le takfir sur une personne particulière, sur une personne précise. Et c'est quoi les empêchements de faire un takfir sur une personne précise? Donc voilà. Iqamatul hujjati hiya, donc mettre la hujja, donc surtout les madakhila et les autres murji'a, ils aiment bien dire cette phrase. Oui, pourquoi tu fais le takfir? Est-ce que tu as posé l'argument sur lui? Hal aqamtal hujja alayhi kay tukaffirahu, etc., etc. Et ils viennent avec cette parole, mais beaucoup d'entre eux ça, ne comprennent pas ce qu'ils disent. Donc, on va en parler ici, Inch'Allah, plus ou moins en détail. On va enlever justement les ambiguïtés, parce qu'ils ont beaucoup d'ambiguïtés, les mourjias de cette époque, et certains, ils font douter certains. Mais quand on va venir, Inch'Allah, avec l'ilm, avec la science, avec l'ilm nafi, la science qui profite, et qu'on va prendre de savants comme quoi une personne, entre guillemets, ne peut réfuter. Et d'accord, donc nous continuons. Et quand même, Atul Hujja, donc maître en place l'argument, d'accord? C'est quoi? Hiya tawafur al-shurut takfir al-mu'ayyan, excusez-moi. As-sab'a. C'est quoi? C'est que les conditions du takfir pour la personne spécifique, qui sont nombre de 7, tawafarat, ont bien été remplies. Donc il y a 7 conditions. Voilà, 7 shurut, et on va parler des Al-Mawanir qui sont en fin de compte les contraires, tout simplement. Parce que si on apprend les shurut, eh bien sachez que Al-Mawanir, les empêchements, c'est le contraire des conditions. Donc c'est simple. La première condition pour faire un takfir sur une personne spécifique, c'est Al-Aql, la raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui n'a pas l'Aql, eh bien on ne fait pas de takfir sur lui. Qui n'a pas l'Aql? Eh bien le fou, Al-Majnoun. Une personne qui est fou, que ce soit par un djinn ou par une maladie, qui est fou, donc qui n'a pas son acte, n'a pas sa raison, eh bien, s'il fait du kouf ou du kouf, on ne fait pas de takfir sur lui. D'accord? Si, bien sûr, il était musulman avant d'être fou, ou s'il est né d'une famille musulmane. On ne fait pas de takfir sur cette personne. Même si, lui-même, dans sa folie, il va dire oh, « je suis mécréant, je suis chrétien, je suis autre », on ne fait pas de takfir sur lui parce qu'il n'a pas son acte, il n'a pas sa raison. Donc, toute personne qui n'a pas l'oracle et qui dit ou qui fait du kufr, eh ben on ne fait pas du takfir sur lui. D'accord? On ne sort pas de l'islam sur lui. Comme par exemple une personne qui dort et qui pendant son sommeil va parler alors qu'il est en train de dormir et qui dit des paroles de kufr, et on ne fait pas de takfir sur lui. Voilà. La première condition, il faut qu'il y ait ceci. Deuxième condition, el boulour, la puberté. C'est que la personne soit pubère. Et la puberté, il y a plusieurs signes comme quoi on a atteint la puberté. Trois qui sont communs entre l'homme et la femme, et un signe en plus pour la femme. Alors, le signe qui est spécifique pour la femme, comme quoi elle est devenue pubère, c'est qu'elle a ce qu'on appelle elle a ses règles, ses menstrues, à condition qu'elle ne vienne qu'à partir de 9 ans. 9 ans année lunaire, bien sûr. Parce que si elle a des règles à 7 ans, 8 ans, elle n'est pas considérée comme pubère. Il faut qu'elle vienne ses règles au minimum à 9 ans. On parle en année lunaire, toujours. Les trois autres signes comme quoi la personne devient pubère, et qui sont communs à l'homme et à la femme, c'est elle manie. C'est elle manie, donc c'est le liquide qui sort et qui sert à faire les enfants, elle manie en. Donc, je dis bien, on dit dans tout, dans le livre de fiqh, dans le Coran, elle manie, est cité, donc en français on appelle ça le sperme. Et ceci, elle manie, est aussi bien valable pour l'homme que pour la femme, sauf que pour la femme, il y a bien un liquide qui sort aussi, mais il n'est pas de la même couleur, il est un petit peu jaune, mais il y a aussi du mani qui sort de la femme. La deuxième médecine comme quoi la personne va devenir pubère et donc il va devenir responsable de ses paroles, de ses actes, c'est des poils qui poussent au niveau de l'aine. D'accord? Donc si les poils poussent au niveau de l'aine, la personne devient pubère. Et le dernier signe comme quoi la personne est pubère, c'est avoir 15 ans, 15 ans année lunaire. D'accord? 15 ans année lunaire. Il suffit un seul de ces signes pour être pubère. Il ne faut pas avoir tous ces signes. Un seul de ces signes, et la personne est pubère. D'accord? Donc la personne qui va dire du couf ou qui va faire du couf alors qu'il n'est pas encore pubère, donc il est encore un jeune enfant, eh bien, on ne le fait pas sortir de l'islam pour cela. D'accord? Donc un enfant qui a 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, qui va dire du couf, qui va faire du couf, eh bien, on ne le sort pas de l'islam. D'accord? Mais une fois qu'il est pubère, là c'est fini, il est responsable et majeur. En termes français, on dit qu'il est majeur à partir de sa puberté. Voilà la deuxième condition pour faire le takfir sur une personne précise. La troisième condition pour faire le takfir sur une personne précise, c'est al-ilm. La science, ici, on veut dire la connaissance. C'est-à-dire connaissance que cette chose-là, eh bien, c'est du coufre. C'est-à-dire que cette chose-là est du coufre. Parce que si la personne, par exemple, va dire une chose et qu'il ne sait pas que cette chose, c'est du coufre, eh bien, il n'est pas kafir. Et on va voir, ça, c'est pas pour tout. D'accord? Un exemple que je vais vous donner maintenant. Quelqu'un, par exemple, qui rentre dans la mosquée, un mécréant rentre dans la mosquée et dit, voilà, bah, je m'intéresse à l'islam, je voudrais peut-être devenir musulman. Comment il faut faire pour devenir musulman? On lui dit, bah, asseyez-vous, on va vous expliquer, c'est simple. Voilà, on explique la shahada. Il nous dit qu'il connaît plus ou moins, bien sûr, la shahada, etc. Et à la fin, je sais pas, une demi-heure après ou un quart d'heure après, ça se trouve qu'il connaissait assez bien, il a déjà plus ou moins étudié l'islam, peu importe, il devient musulman. Il devient musulman. Donc cet homme est rentré, mécréant, il est devenu musulman, alhamdoulillah. Comme je dis, il n'y a pas de cérémonie ni rien à faire pour devenir musulman. Ça, ce sont les innovations, où on ne lui dit pas, reviens vendredi, tu vas faire ta shahada devant tout le monde, comme font certains, notamment comme font les Ikhwanioun ou quoi là. Ça n'existe pas ceci hein, dans la sunna. Hein. Donc la personne devient musulmane. Très bien. Il sort de la mosquée. On va dire qu'il a fait le rousse et qu'il a fait la prière. Il sort de la mosquée. Il rentre dans sa voiture. Il y a une bouteille d'alcool. Hop, il boit son alcool. Un musulman. Qui sort de la mosquée et le voit, lui fait, tiens, mais tu bois de l'alcool, mais c'est interdit dans l'islam. Et cette personne-là dit, mais non, c'est pas interdit dans l'islam. Ah, là est le problème. Cette personne vient de dire que l'alcool n'est pas interdit dans l'islam. Et il vient juste de se convertir. Cette parole-là, c'est une parole de Kufr Akbar. Il n'y a pas de problème. La parole de dire que dans l'islam, l'alcool n'est pas interdit, c'est une parole de kufr. D'accord? On fait takfir umum. Là, c'est d'une manière globale, on dit que c'est du kufr. Mais pour dire que c'est une personne précise, d'accord, spécifique, une personne spécifique qui dit que l'alcool, ce n'est pas interdit dans l'islam, pour faire le takfir à cette personne-là, il y a des conditions. Donc, on regarde cette personne. Cette personne, on va prendre la première condition qu'on a vue. Est-ce qu'elle a la raison? Bah oui, il n'est pas fou. Est-ce qu'il a le boulouvoir? Bah oui, ça se voit, il a plus de 30 ans. Donc il est plus de pubère. Est-ce qu'il a la connaissance? Est-ce la connaissance que ceci est du couf? Ah bah non. Il vient juste de rentrer l'islam, on ne lui a pas tout expliqué en une demi-heure, on ne lui a pas dit, écoute, voilà, on ne lui a pas cité la liste de tout ce qui est obligatoire, tout ce qui est interdit dans l'islam, etc., etc., avec les dalils et tout ça, ou autre. Donc il n'a pas pu apprendre ça. Donc en fin de compte, lui, il n'avait pas encore la connaissance. Donc il n'y a pas de takfir à faire sur lui. Donc il est toujours musulman. Par contre, excusez-moi, par contre, on va lui apprendre. Donc la personne va dire, écoute, ça, il faut que tu saches que c'est interdit. Et l'autre, il va dire, c'est bizarre que ça interdit l'alcool, pourquoi? Moi, j'en bois juste un petit verre, j'en vois pas au point de tomber dans un coma éthylique ou quoi, ou même d'être sous, juste un petit verre comme ça, pourquoi ça serait interdit? Bon, là, la personne va lui dire, mais écoute, mon frère, qui est toujours musulman, hein, mon frère, reviens à la mosquée, parce qu'on va lire dans le Coran, tu verras que dans le Coran, c'est marqué tout ça. Donc la personne, c'est un exemple, hein, la personne est d'accord, hop, il rentre dans la mosquée, hop, il retrouve tous les autres musulmans, salam alaykoum, voilà, le frère vient de dire qu'en fin de compte, l'alcool, c'est pas interdit à l'islam, etc. Les autres musulmans, étonnés, bah non, si, donc tout le monde lui dit, donc là, ça devient important. On lui fait lire le verset, etc., etc. Et si après ceci, cette personne-là persiste à dire que l'alcool est interdit, alors là, on lui fait le takfir sur lui parce qu'il n'a plus l'ignorance. Là, il a eu la connaissance. D'accord? Un seul musulman ne suffit pas. Il faut qu'il y ait plusieurs musulmans, et notamment qu'ils lisent le Coran, par exemple le verset. Si jamais, après ça, la personne persiste, donc là, on fait un takfir. Donc là, on fait un takfir sur lui. Mais si, bon, la personne va revenir, faire, ah ouais, c'est vrai que dans le Coran, moi, je ne savais pas, il n'y a pas de problème. Donc, il n'a jamais, en fin de compte, il n'est jamais tombé dans la mécréance. Voilà. Et là, je vais vous dire maintenant une chose qui s'appelle, c'est ce qu'on appelle en arabe notamment, ce qui est mahwa ma'lum min ad-din bid-darura, ce qui est connu de la religion par nécessité. Ce qui est connu de la religion par nécessité. Mahwa ma'lum min ad-din bid-darura. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la religion qui sont connues par nécessité. C'est-à-dire que le musulman ne peut pas échapper de le savoir. Quel musulman? Le seul musulman qui a évolué déjà dans l'islam. Soit parce qu'il est né dans une famille musulmane, je ne dis pas qu'il est né musulman, car comme vous le savez, tout être humain est né musulman sur la fitra. Après, ce sont ses parents, soit qu'il est juif ou chrétien, comme c'est l'a dit le professeur. Mais par contre, il est né dans une famille musulmane, donc il a évolué dans une famille musulmane, par exemple. Donc il y a des choses qu'il ne peut pas prétendre ne pas savoir. D'accord? Ou une personne qui s'est convertie et que ça fait plusieurs mois. D'accord, qu'il évolue notamment dans la communauté, donc après plusieurs mois, et il ne peut plus prétendre ne pas savoir, contrairement à la personne qui vient juste d'entrer de l'islam. Il y a une deuxième situation que notamment Nawawi et Cheikh l'Islam Taymiyyah ont cité, et d'autres. La deuxième situation, c'est une personne qui est née dans une famille musulmane, qui a évolué aussi dans une famille musulmane, d'accord, mais que par exemple, dans un petit village qui est éloigné de toute civilisation et autres. Et certaines séances n'ont pas pu lui arriver, d'accord? Donc là, on l'excuse si jamais il renie une chose qui est connue de la région par nécessité, mais en fin de compte, il était tellement éloigné dans la montagne, très loin, pas d'électricité ni rien, et il n'y a jamais eu de personnes de plus ou moins de sciences ou qui a étudié et qui lui ont enseigné des choses. Donc là, on ne fait pas de takfir sur eux, il faut d'abord leur apprendre, leur signaler certaines choses. Mais pour ce qui est de la grande majorité des musulmans, ceux qui évoluent dans l'islam, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas, comme quoi, par exemple, que l'alcool est interdit, est haram. Ils ne peuvent pas dire que manger du porc, c'est halal. Et ils peuvent dire, moi, je ne sais pas que le porc est haram en islam, d'accord? Ou c'est notamment les cinq piliers, c'est-à-dire que le fait d'attester, donc le fait de dire par la langue la shahada, et le fait notamment de reconnaître l'obligation des cinq prières. Non pas que les cinq prières parlent de l'islam, mais l'obligation. Une personne, par exemple, qui est musulmane depuis plusieurs mois, ou qui est, comme je l'ai dit, née dans une famille musulmane et qui évolue notamment dans la communauté, soit dans un pays rempli de musulmans, ou dans un pays rempli de mécréants, comme par exemple la France, mais qui évolue. Qui n'est pas dans un petit village de France où c'est la seule famille musulmane qu'ils n'ont aucun contact, tout ça. Non. Par exemple, comme on dit, dans un quartier ou dans une cité où il y a même, par exemple, une petite mosquée ou une salle de prière. Donc voilà, là, il ne peut plus prétendre ne pas savoir les cinq piliers. Et comme je vous dis, c'est savoir les cinq piliers, comme quoi ils sont obligatoires, notamment que la prière, que la zakat, que le hajj et le siyam, d'accord, le jeûne sont obligatoires. Non pas que c'est parfait l'islam, mais que c'est obligatoire. Non, non, je sais que c'est parfait l'islam, mais c'est pas obligatoire. Il devient mécréant parce qu'il a renié, parce qu'il a renié ce qui est connu de la religion par nécessité. Et pareil pour les interdictions, les grandes interdictions comme un zinaf. Donc le zina, c'est le fait de faire l'acte sexuel. Je dis bien l'acte sexuel, pas faire des bisous ou autre. Ça, c'est haram. Mais le fait de déclarer halal, autoriser l'acte sexuel même en dehors du mariage ou autre qu'avec une femme esclave qu'on possède, cette personne-là est mécréante comme celui-là qui dit que le fait de boire de l'alcool ou de fumer du haschich ou de consommer une autre drogue de synthèse ou autre est halal, il n'y a pas de problème sur ça, la personne ne peut pas prétendre ne pas savoir, d'accord? Tel que tu es une personne sans droit, etc. Voilà, donc il faut, j'en reviens en condition maintenant, elle la rine, donc c'est la condition de elle la rine, la connaissance. Et comme on en viendra, Inch'Allah, certaines de ces conditions, notamment l'ilm, la connaissance, n'est pas valable pour certaines choses. D'accord? N'est pas valable pour certaines choses. Parce que celui qui n'a pas les connaissances, il est jahil et ignorant. Donc on l'excuse par l'ignorance. Mais c'est pas tout. D'accord? Donc je viens juste de donner un exemple par quelqu'un qui évolue dans l'islam et qui va renier des choses qui sont connues par la religion par nécessité. Il ne peut pas prétendre ne pas le savoir. Ensuite, quatrième condition, el qasd, el qasd, c'est-à-dire le vouloir, c'est-à-dire le viser. D'accord? El qasd, c'est le fait de viser, c'est-à-dire le viser. Inch'Allah, je vais vous l'expliquer par un exemple concret. Un exemple d'ailleurs, je vous ai cité il n'y a pas très longtemps dans notre cours. Un musulman a sur sa table un mushaf, un Coran, comme on dit, hein, mais non, il faut dire un mushaf. Un mushaf. Et à côté de ce mushaf, il y a un autre livre, par exemple, je sais pas, moi par exemple, un livre de Voltaire, par exemple, un livre de Voltaire, donc il y a un livre de Voltaire sur la table et à côté, il y a le mushaf, il y a le Coran, d'accord? Et il veut jeter à la poubelle le livre de Voltaire, il en a assez de ce livre-là, il veut le jeter à la poubelle, d'accord? Il va dire, bah, quand je sortirai, je prends un livre et puis je jette à la poubelle, parce que la poubelle elle est juste devant la porte, je ne vais pas faire ça maintenant. Donc, le temps passe, 1 heure après, il s'en va, hop, il s'en va, il prend le livre, paf, il ouvre sa porte et il jette dans la poubelle. Et une personne, un autre musulman est là, et qu'est-ce qu'il voit, l'autre musulman? Ben, il voit cette personne jeter un livre dans la poubelle, mais il voit qu'en fin de compte, il jette le mousraf, il jette le Coran dans la poubelle. Et donc cette personne lui dit, oh, mais pourquoi tu jettes le Coran dans la poubelle? C'est du kufr. Et la personne qui a jeté le livre dans la poubelle, il dit, mais non, c'est pas le Coran que j'ai dans la poubelle, c'est un livre de Voltaire. Tu vas pas quand même me dire que un livre de Voltaire, c'est le Coran, c'est pas la parole d'Allah, c'est la parole de Voltaire. En plus, c'est un kafir, donc arrête. Il fait non, l'autre dit non, regarde ce que tu as jeté. Donc la personne regarde ce que j'ai jeté, oh, et il dit, astaghfirullah, je me suis trompé. D'accord, je me suis trompé, enfin, je voulais jeter le livre de Voltaire, enfin, c'est le Coran jeté, donc il va, bien sûr, il va sentir mal, il va prendre le Coran, il va l'enlever de la poubelle, et il va prendre le livre du kafir, du mécréant de Voltaire, là, et il va le jeter dans la poubelle. Parce que là, je sais, sauf par preuve, hein, Voltaire est un kafir. Mais si on m'apprend la preuve comme quoi Voltaire était musulman, ça sera, il n'y a pas de problème, je déclare comme quoi il est musulman. Jusqu'à preuve du contraire, c'est un kafir. Wallahu ta'ala a'lam. D'accord? Donc voilà. Cette personne a jeté le Coran dans la poubelle. Concrètement, il a jeté le Coran dans la poubelle. Et ça, c'est un acte de kufr. Mais est-ce qu'il est kafir? Eh non. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le qasd. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu ceci. Il s'est trompé. Il n'a pas voulu ceci. Ça, c'est el qasd. Un dalil parmi la sunna, parmi donc un hadith notamment qui est sahih, qui est assez connu, donc vous devez connaître, c'est le hadith où une personne était dans le désert avec sa monture, il s'est reposé, et quand il s'est réveillé, eh ben, sa monture était partie, et là, il a commencé à chercher, il ne l'a pas trouvé, il a dit, c'est bon, je vais mourir à pied dans le désert, je ne vais pas pouvoir survivre, je vais mourir. Donc, il s'est allongé, il a commencé à dormir, hop, et il se réveille, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa monture. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Ya Rabbi, ana abduk wa anta ana rabbuk wa anta abdi. Il a dit quoi? Oh, Wallah, il a dit quoi? Tu es mon esclave et je suis ton maître. Il a dit ça à Allah. Et comme a dit le prophète, à cause, il a dit ça à cause de quoi? À cause de la grandeur de la grandeur de sa joie. Il s'est trompé. Il a dit, oh Allah, tu es mon esclave et je suis ton maître. Astaghfirullah. Ça c'est de kouf. Quelqu'un qui dit ça c'est de kouf. Donc il a bien une part de kouf. Mais il n'a pas fait. Mais il n'est pas fait. Il n'est pas café. Il s'est trompé. Il n'a pas eu le cost, il n'a pas eu le but qu'il avait de sa parole, c'était pas ça, il s'est trompé, d'accord? Ça, comme on dit, sa lisane a fourché, sa langue a fourché, d'accord? Donc ça, cette personne-là n'est pas kafir, bien qu'il a dit une parole, subhanallah, de kouf, comme il est difficile de dire une parole de kouf plus grande que celle-ci, dire à Allah Azawajel, oh Allah, tu es mon esclave, moi je suis ton maître. Subhanallah, pour trouver une parole plus grande dans le couvre, c'est difficile, mais pourtant, il a bien prononcé ceci, mais il n'est pas devenu mécréant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu ceci. En fin de compte, il voulait dire le contraire, mais il était tellement content qu'il s'est trompé. Il a voulu dire, tu es mon maître et je suis moi ton esclave. Voilà. Donc il faut. Donc ça, c'était la quatrième condition. Mais nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah. Et nous continuerons, bi'idhna, le cours prochain.